Vendredi 1er novembre 2013, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette nouvelle édition de La Vie en BD au 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 dans ce rendez-vous hebdomadaire qu'on s'offre autour du 9e art. Toujours un plaisir évidemment de vous retrouver et un plaisir également de vous retrouver aussi dans les autres outils de diffusion de l'émission. Je le mentionne d'entrée de jeu si jamais vous voulez nous suivre, notamment sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. Une belle émission pour vous en cette journée, ma foi, plutôt venteuse. Alors, notamment, on aura le plaisir de porter un petit regard sur Montréal. Gros événement qui se prépare de ce côté-là. On pouvait pas passer à côté, puisqu'il s'agit du 15e anniversaire des éditions La Pastèque. On avait déjà abordé un peu la thématique en février dernier. On va l'aborder de front cette fois-ci, parler un peu des activités qui sont préparées, notamment une nouvelle publication, un nouveau pôle coloré, en fait, réédition de Paul à la campagne, également une exposition au Musée des Beaux-Arts de Montréal, donc la BD entre au musée et par la grande porte. Alors on en parle tout à l'heure avec Frédéric Gauthier, qui est l'un des cofondateurs de la maison d'édition. Également de passage, l'équipe de Bulle, Damien Berger, Jean-Philippe Bergeron et Marie Lamonde Simard, qui seront avec nous pour parler du tome 2 qui a été lancé il y a quelques semaines de ça, Brebis égarées, donc une BD qui se passe à Québec, un cataclysme qui vient droit de chez nous et qui tranquillement détruit la planète. Alors on en parle avec eux un peu plus tard. Également de passage, on aura le plaisir de retrouver notre collaborateur Marco Duchesne, qui sera avec nous pour partager ses commentaires BD avec notamment, c'est un peu incontournable, un clin d'œil sur le nouveau Astérix. Sinon, dans l'actualité BD, on mentionnait La Pastèque tout à l'heure, rementionnons-les brièvement, si ce n'est pour mentionner que la BD Jane le Renard et moi de Fanny Britt et Isabelle Larsenault figure sur la liste 2013 des 10 meilleurs livres illustrés pour enfants, liste du New York Times, qui a été publiée mercredi dernier, donc c'est quand même pas rien. Donc, version anglaise de la BD qui avait été publiée par Groundwood sous le titre Jane, the Fox and Me, traduction de Christelle Morelli et Suzanne Horioux, côtoie sur cette prestigieuse liste, les ouvrages de grands noms de la littérature jeunesse, on pense à Maurice Sendak, on pense à Tommy Ungerer, donc quand même pas rien. Et d'ailleurs, en fait, il faut dire que c'est une deuxième fois pour Isabelle Arsenault qu'elle se retrouve donc pour ses livres jeunesse sur cette liste-là. Elle avait été sélectionnée il y a, je crois, 2 ans. Donc, elle avait été la première Québécoise à être sélectionnée parmi les favoris du quotidien américain. Et bien voilà, donc une deuxième fois, jamais 203. Nous dit-on. Alors, je suis plein d'espoir pour Isabelle Arsenault. Sinon, dans l'actualité, BD également, mention du palmarès des éléphants d'or 2013. Ça, c'est les prix du Festival international de la BD de Chambéry. Alors, je vous les donne par référence, en fait, quelques-uns des prix, notamment album de l'année qui a été donné au Bachalot de Le Galli et Bétan, ça c'est chez Delcourt. Le prix dessin va à Tsaria, le tome 2 de Federici, chez Delcourt également. Au niveau scénario, c'est les carnets de cerises de Chamblain et Néret chez Soleil. Même prix d'ailleurs, même livre en fait qui reçoit aussi le prix Espoir. Et sinon, en humour, on donne au Bidochon de Binet et un hommage a été fait à Jean-Claude de Mézières également lors de l'événement. Prix du public qui a été donné aussi au carnet de cerises. Alors, ben, peut-être que si vous voyez certains de ces titres passer en terre québécoise au fil des prochains mois, ben, on aura peut-être une petite curiosité additionnelle, sachant qu'ils ont été appréciés de ce côté. Et puisqu'on est dans les prix, je mentionne avant de partir en musique que le prix Landerneau BD 2013 a été décerné à Chloé Crudochet. Donc, elle a obtenu ce prix pour son album Mauvais genre, publié chez Delcourt. Qu'est-ce que Mauvais genre? Ben, c'est une histoire vraie, un déserteur de la Grande Guerre qui se travestit pour échapper au peloton d'exécution. Un stratagème astucieux, mais qui fera basculer son couple vers un destin hors norme. Alors, ben voilà. Donc, ça a été reçu comme prix par les libraires du réseau Leclerc, donc parmi 9 albums à Landerneau 2013. Alors voilà, pour ces prix, on s'en va en musique. Les extraits qui nous accompagneront au fil de l'émission sont ceux de Always 8-Bit, tirés de l'album Spectrogram, et on en écoute un premier extrait. Et voilà, toujours à La Vie en BD. Tel qu'annoncé d'entrée de jeu, on porte un petit regard vers Montréal, puisque la Pastèque fête en novembre son 15e anniversaire, avec notamment une belle activité qui est organisée au Musée des Beaux-Arts de Montréal, une exposition qui débute, elle, le 6 novembre prochain. Pour en parler, pour parler de l'anniversaire, on a le plaisir d'être en compagnie d'un des cofondateurs de la Pastèque, Frédéric Gauthier. Bonjour. Bonjour. Et justement, d'emblée, j'ai envie qu'on se lance avec le Musée des Beaux-Arts de Montréal. D'où est venue un peu l'idée de proposer que la BD, dans le fond, s'invite entre, soit exposée au musée? Oui, ben l'idée est née il y a 3 ans. En fait, c'est un peu un coup de tête qu'on a eu de proposer ce concept-là au musée. Il y avait eu juste avant au musée l'exposition Big Bang, où des artistes de toute forme artistique là, a été jumelé avec des œuvres de la collection permanente du musée. Et Michel Rabegatti avait entre autres participé. Donc, la BD québécoise avait mis un orteil, si on veut, au musée. Et lors de cette soirée-là, de l'ouverture de l'exposition, j'avais eu la chance de rencontrer Nathalie Bondil, la directrice du musée. Et c'était montée très, très ouverte, très intéressée à la bande dessinée. Mais bon, on s'était resté un peu sur la table, cette idée-là. Puis nous, on voyait poindre au loin, il y a 3 ans, notre 15e anniversaire, puis on s'est dit qu'on allait proposer cette idée-là au musée sans trop vraiment y croire vraiment, là, parce que c'est un gros truc. Oui, parce qu'en fait, c'est pas seulement, dans le fond, une activité, là, c'est une exposition en bonne et due forme dans une salle, etc., etc. Là, c'est... Ah oui, tout à fait. C'est une exposition regroupant 15 BDistes de la Pastèque. Qui au début, dans les premiers mois de projet, si on veut, devait se dérouler dans les espaces éducatifs au musée, qui sont un petit peu plus petits, mais en cours de production au niveau du projet, Nathalie Bondil et en fait et toute l'équipe du musée était tellement excitée par le projet qu'ils ont monté ça, si on veut, dans les grandes salles en haut. Donc on a une exposition qui est juste à côté de Venise, qui occupe 2 grandes salles au 3e étage, donc c'est très prestigieux. Donc on a très très hâte là, que ça débute. Et en même temps, j'ai l'impression, et je pense quand l'annonce avait été faite d'ailleurs en mai dernier de ce projet-là, il y avait des gens qui avaient dit, ben justement c'est intéressant parce que c'est un peu comme s'il y avait une institution culturelle reconnue qui venait un peu légitimer les prétentions artistiques de la BD, en fait, que le fait qu'elle soit exposée, ça la mettait peut-être, je dirais pas d'égal à égal, mais à un niveau peut-être un peu plus comparable dans l'esprit des gens avec d'autres formes d'art, donc avec le côté mésestimé peut-être un peu artistiquement de la bande dessinée. Oui, tout à fait. C'est une reconnaissance incomparable. Je pense que dans l'histoire de la BD québécoise, on a eu très peu eu de l'occasion d'avoir une vitrine puis une reconnaissance comme ça. Le fait que l'exposition soit aussi importante, qu'elle dure 5 mois, qu'on traverse des périodes importantes là dans l'année, Noël, la semaine de relâche, donc des périodes de grande affluence, et que toute l'équipe de communication, nous, on sent vraiment là qu'on est une très très grosse exposition au musée, on se sent appuyé et on voit un petit peu que c'est en train de débuter là, la couverture médiatique de tout ce projet-là. Mais le musée embrasse vraiment la bande dessinée et le projet, donc c'est assez phénoménal. Donc je pense que ça va donner une visibilité là jamais atteinte là dans l'histoire de la BD québécoise. On parlait des objectifs ou enfin des si on veut des possibles chiffres de personnes qui allaient visiter l'exposition. Puis dans les salles où il y a l'exposition, c'est environ habituellement sur une période équivalente, c'est à peu près 170-200 000 personnes qui viennent dans ces salles-là. Donc ça va faire beaucoup de monde pour voir l'exposition. Et les BDistes qui ont été conviés, qui ont accepté l'invitation, c'est Isabelle Arsenault, Pascal Blanchet, Paul Bordelot, Pascal Colperon, Cyril Doineau, Patrick Doyon, Jean-Paul Hyde, Pascal Girard, Réal Godbout, Janice Nadeau, Michel Rabagliati, Merci, Rémi Simard, Cyrus Lieftand. Est-ce que c'est un peu un appel à la ronde que vous avez lancé à vos auteurs, ou est-ce qu'il y a eu quand même une sélection pour que différents styles, différentes branches éditoriales de la pastèque soient bien représentées aussi là-dedans? Parce qu'on va dans le jeunesse, on va dans le biographique, on va dans l'expérimental, etc. On survole quand même assez bien avec cette sélection-là. Oui, ben on a choisi, si on veut, des artistes ou des BDistes qui représentaient l'histoire de la maison d'édition. Donc, il y en a dans les 15 qui sont là depuis les débuts. Il y en a qui sont apparus dernièrement. Et il y en a qui vont publier bientôt avec nous. Donc, pour nous, ça couvre effectivement plusieurs approches narratives, plusieurs styles graphiques. Donc, c'était de donner une variété graphique et narrative là dans l'exposition, puis d'avoir des points de vue différents à présenter par rapport aux œuvres du musée. Et donc, pour nous, ça représentait bien. Évidemment, c'est un choix à faire parmi beaucoup plus d'artistes qui publient avec nous depuis nos débuts. Mais en même temps, on sait que l'exposition va avoir des retombées sur toute la maison d'édition et en fait sur toute la bande dessinée québécoise au complet. Donc je pense que c'est un choix qui a été fait par nous en collégialité avec le musée. Puis on est très content. En fait, le résultat qui va être dévoilé la semaine prochaine est assez spectaculaire. Oui, en fait, j'ai eu l'occasion de le voir un peu en avant-première via le livre justement de l'exposition, et on voit autant justement dans la variété des styles BD que eux-mêmes en fait qui ont été invités, vous l'avez dit, à aller s'inspirer d'une œuvre, enfin choisir une œuvre dans la collection du musée. Ben ça nous donne aussi différentes pistes d'interprétation. Donc on voit différents regards justement sur ces œuvres. Là, est-ce que dès le départ vous leur avez donné un peu carte blanche sur ce qu'ils devaient faire, ou quelles règles un peu on a donné dans le choix autant que dans l'interprétation de l'œuvre par la suite? Ben, je pense que la beauté du projet tient effectivement dans cette confiance que le musée a eue dans le choix des BDistes. Nous, on a accompagné les BDistes dans leur choix, mais ils avaient effectivement carte blanche, ils pouvaient choisir. Il y a 35 000 œuvres dans la collection permanente, donc ça, c'est assez vaste. L'équipe du musée était assez généreuse pour aiguiller, si on veut, les auteurs qui avaient peut-être des préférences sur certaines périodes, certains styles graphiques, où il y en a qui avaient des désirs très précis, comme Pascal Girard, qui lui souhaitait une œuvre avec des ours. Donc, la recherche s'est faite d'une autre façon. Et il y en a plusieurs qui ont, il y a eu des visites organisées au musée ou des groupes de BDistes, là, quatre ou cinq à la fois, allaient visiter les salles, allaient dans les voûtes du musée, voir les œuvres pour essayer de trouver un coup de cœur sur place. Et puis, il y en a quelques-uns qui se sont, qui ont été choisis comme ça. Donc, ça s'est fait très, très naturellement. Puis, je pense que le musée a accompagné les auteurs. Puis, eux se sont sentis mis en confiance. Donc, ils ont eu une grande, grande liberté créative par rapport à ça. Et il n'y avait pas beaucoup de contraintes autrement là-dessus. Et puis, nous, on est, comme vous avez vu dans le livre, là, ça donne une belle variété des points de vue différents. Puis, je trouve que ça va donner aux gens qui vont voir l'exposition tout un spectre incroyable là, par rapport à ce qui se fait en BD au Québec. Et je pense qu'on peut peut-être donner quelques exemples. Bon, je vous lancerai pas, Frédéric Gauthier, la sempiternelle question des coups de cœur, parce que bon, sont tous très beaux, très très très très très très très intéressants. Cela dit, si on avait peut-être un ou deux ou trois exemples à donner pour aider les auditeurs à se figurer peut-être une petite idée de qu'est-ce qu'on retrouverait, peut-être je vous laisserai nous présenter quelques exemples. Oui. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, puis qui c'est celui d'Isabelle Arsenault, qui parle en fait d'une peinture qui utilise la peinture et du musée comme littéralement comme canevas de base qui est répété à travers son récit et sur lequel elle ajoute une trame narrative. Donc c'est une approche assez innovante et très intéressante. Si on prend, il y a d'autres personnes. Ce qui est bien aussi, c'est dans le choix des œuvres qui est très varié. Donc, dans le cas d'Isabelle et d'autres, il y a des peintures. Il y en a qui ont pris des sculptures. Il y en a qui ont pris des bouts de tissu. Il y a des affiches. Si je prends aussi Leftand, qui lui, on peut imaginer, Leftand peut le faire, a pris non seulement une œuvre, il en a pris quatre. Mm-hmm. Et puis, son objectif, c'était de créer un dialogue entre les œuvres. Moi, j'ai trouvé ça totalement extraordinaire quand on a reçu là, sa proposition. Évidemment, ça ressemble vraiment à son style habituel, très expérimental, avec un humour qui est bien présent. Et puis donc, il y a un mélange entre deux peintures et deux sculptures, et il crée un dialogue un peu délirant à travers ces quatre œuvres-là. Mm-hmm. Donc, c'est très varié, puis je pense que les gens vont avoir beaucoup à se mettre... sous les yeux, si on veut, lors de la visite de l'exposition. Oui, puis il y en a qui sont teintés de différents styles, différents types d'humour aussi, qu'on pense, je pense Rémi Simard, qui lui s'est inspiré dans le fond d'un tourniquet, il a inventé une histoire jeunesse là-dessus, Rabagliati qui lui s'amuse avec une peinture de Miro qui dit, ben regardez, c'est un bout d'affiche. Donc il y a beaucoup d'humour aussi dans le traitement et dans la manière dont les BDistes sont laissés aller un peu à explorer ça. Et en même temps, parallèlement, vous l'avez dit, il y en a d'autres on s'en va vers du collage. Cyril Doineau qui offre vraiment un collage inspiré d'une œuvre, donc... Ouais, puis moi, je pense au choix de Michel Rabagliati. Je pense que les gens, après avoir vu le récit que Michel a fait avec la toile de Miro, verront plus jamais la toile de Miro de la même façon. Ils vont toujours avoir en tête cette fausse publicité de Sardine qui a recréé à partir de la peinture. Donc, à ce niveau-là, ça donne plusieurs interprétations intéressantes. Et parallèlement, en fait, dans le livre, d'ailleurs, qui est assez intéressant, dans lequel on a les œuvres, on a aussi plusieurs éléments historiques, des illustrations, des textes, des réflexions. Et dans une de ces textes-là, je l'ai trouvé intéressant. On en revient sur 15 ans, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent « Ben, 15 ans, c'est pas tant que ça. » Et finalement, vous dites de votre côté « Oui, ça peut paraître anodin, mais dans le monde de l'édition au Québec, c'est ni plus ni moins qu'un exploit. » Ben oui, particulièrement quand on parle d'édition de bande dessinée, faut comprendre qu'au Québec, le milieu d'édition, c'est un milieu qui est très très petit. Le bassin de lecteurs est moins grand qu'ailleurs. Donc, quand nous on a commencé, on venait de terminer la période faste là, des années cro. Ça faisait déjà 3-4 ans qu'il se passait plus grand chose en BD et en librairie en fait. Ce que Crow a accompli, c'est phénoménal, mais a pas laissé beaucoup de traces dans les librairies par rapport à des sections en bande dessinée québécoise. Donc, il y a tout eu un travail à faire. Et donc, évidemment, ces 15 ans, c'est pas énorme, mais pour nous, c'est un accomplissement phénoménal. Surtout que quand on a commencé, il n'y avait jamais l'idée, probablement, de se rendre à 15 ans et qu'on ait tant de titres publiés. C'était à l'époque, c'était vraiment pour se faire plaisir, pour essayer de relancer, on veut, la bande dessinée québécoise, mais il n'y avait pas la volonté de créer une entreprise qui est aujourd'hui florissante et assez grande comme présentement. C'était vraiment par passion qu'on faisait ça. Oui, puis en fait, on voyait un bouillonnement, on voyait qu'il y avait quelque chose à canaliser là-dedans, puis on a choisi de le canaliser, dans le fond, il y a une quinzaine d'années. Oui, ben il y avait, on sentait le potentiel qui était autour de nous. On rencontrait des gens. Moi et Martin, les deux cofondateurs, on était libraires. On voyait ce qui se passait ailleurs. Puis on rencontrait des illustrateurs, on rencontrait des BDistes, des passionnés. Puis il y avait aussi tranquillement, peut-être pas en 98, là, mais dans le début des années 2000, il y avait plein de choses qui se passaient aussi sur Internet. Donc tout ça, c'est passé. pas nécessairement très rapidement. Ça a pris tranquillement son air d'aller, puis ça s'est développé de belle façon, là. Puis depuis 5 ans, ça va très, très vite. Et parallèlement, j'ai l'impression aussi que l'univers BD au Québec, en 15 ans, ça a changé du tout au tout. Il y avait moins d'éditeurs, moins de lecteurs, moins de BD disponibles à l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de petits éditeurs, il y a des gros éditeurs qui s'intéressent un peu plus aux auteurs d'ici. Vous avez pris de la force aussi, donc vraiment, la BD québécoise a vraiment explosé aussi au fil des années, au fil de votre histoire. Tout à fait. Puis, effectivement, la situation est incomparable à il y a 15 ans et maintenant. Et tout le monde en bénéficie. L'ouverture médiatique à la bande dessinée est assez phénoménale par rapport à ce qu'il y a 15 ans. Ce qui a amené aussi, ce que je tiens à dire, c'est que depuis nos débuts, pas juste nous, mais d'autres éditeurs aussi, mais on est très fortement appuyé par le réseau des libraires au Québec qui ont cru en la BD québécoise. Évidemment, quand on a une série comme Paul qui est aussi forte et qui réussit à percer comme ça, ça aide tout le monde derrière. Et puis les libraires ont vraiment vu l'intérêt de leurs lecteurs. Donc on ouvre des portes avec ça. Puis ça, maintenant tout le monde en bénéficie. Puis je pense qu'on est dans une situation où les choses sont plus faciles pour tout le monde, ce qui laisse plus de d'espace, si on veut, à essayer des nouvelles choses, développer. Et après, maintenant, c'est de faire connaître nos talents et nos auteurs plus loin qu'au Québec, si on veut, à l'étranger et tout ça. J'essaie de trouver quelque part, en fait, combien de titres La Pastèque avait publié. Je suis tombé à un moment donné, incluant les collections jeunesse, sur quoi, à peu près, au-dessus d'une centaine, là, quoi, 140? Oui, c'est ça. On est autour de 150, 160 titres. C'est énorme en 15 ans. C'est un rythme d'enfer, là, vraiment. Oui, oui, surtout que les premières années, on en publiait deux par année. Donc, ça s'est beaucoup accéléré là, dans les 5 dernières années. Et parallèlement, un nouveau titre aussi qui est intégré justement à ce 15e anniversaire, c'est une édition spéciale de Paul à la campagne en version colorée. D'abord, ben, peut-être, j'imagine, enfin, on a choisi de rééditer un Paul de par le fait que l'histoire, le succès, l'évolution de Paul est un peu intimement liée à celui des éditions. Ben oui, puis en fait, on est un petit peu en avance parce que c'est l'année prochaine, si on veut, mais il y a le 15e anniversaire de Paul aussi. Paul à la campagne était publié en 1999, donc ça va faire 15 ans en 2014. Donc c'est aussi le 15e anniversaire de la série qu'on voulait souligner. Et quelle meilleure façon que de redonner une nouvelle vie, si on veut, au premier ouvrage de Michel. Et puis, il faut comprendre que le lectorat de Michel et d'Paul est très, très demandeur, si on veut, évidemment, d'un nouveau Paul qui arrivera pas avant l'année prochaine, mais de n'importe quoi autour de ça. Puis, avec Michel, durant la dernière année, on a réfléchi à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour souligner le 15e anniversaire. Et puis, on s'est inspiré un peu de ce qui se fait en France là, quand on redonne une deuxième vie à des grands classiques de la BD franco-belge en réédition grand format, pas nécessairement toujours en couleur, mais on trouvait que d'apporter de la couleur sur ce livre-là, c'est un exercice intéressant. Ça donne un objet aussi qui est totalement différent. Mm-hmm. Ce qui est beau dans l'ouvrage, c'est que Michel a mis une petite touche, c'est pas des grands trucs, là, des photos, il y a deux textes qui reviennent un peu sur la création de ces albums-là. Mais c'est très, très bien écrit. Michel, il y a des petites anecdotes très touchantes. Donc, je trouve que ça apporte une nouvelle dimension à la création de la série et que ça donne un objet tout à fait impressionnant. Et Frédéric Côtier, en fait, vous êtes un lecteur comme moi. J'ai pas vu de mon côté ce nouveau Paul, mais j'imagine que ça doit quand même faire un choc quand on a connu un univers en noir et blanc pendant pratiquement 15 ans, comme vous l'avez dit, de subitement le voir en couleur. Ça doit être un peu surprenant en première lecture. Oui, mais je dirais que le travail de colorisation, la palette qui a été donnée au livre est cadre tout à fait dans l'esprit de la série. Je dois dire cependant que depuis 15 ans, il y a eu quelques occasions où Paul était publié en couleur dans des magazines. Donc les gens avaient peut-être déjà eu des petits clins d'œil. Donc au niveau du choc, c'est peut-être un peu moins fort. Et je pense que c'est pas tellement la couleur, c'est plus le format de l'objet qui impressionne vraiment. Depuis deux semaines, on envoie des copies à des journalistes, à des gens comme ça autour, puisque le livre sort déjà la semaine prochaine. Et puis tout de suite, on a des retours des gens qui sont totalement surpris. On a beau spécifier dans les documents presse ou libraire le format du livre, tant qu'ils l'ont pas vu en vrai, ils ont de la misère à comprendre ce que c'est, alors que quand ils le voient, ben c'est clairement, enfin, on a fait une blague là sur notre page Facebook il y a quelques semaines en disant que c'est une porte d'armoire, mais c'est presque ça. Alors, enfin, on se laisse décontenancer, évidemment, avec un vif plaisir, parce que c'est toujours amusant aussi de voir, comme vous dites, justement, d'autres relectures et de remettre comme ça des bouquins je dirais pas au goût du jour, mais d'offrir, dans le fond, de s'offrir le plaisir de nouvelles lectures comme ça. Et tout ça, vous l'avez dit, est aussi lancé très, très prochainement. Donc, le livre arrive la semaine prochaine. L'exposition aussi débute le 6 novembre et ça se prolonge jusqu'au 30 mars 2014. Et en terminant, Frédéric Gauthier, est-ce que, à l'aube de ce 15e anniversaire officiel, est-ce qu'on a des visées sur les 15 prochaines années? Où aimerait-on, voir un peu la maison d'édition être dans 15 ans? Est-ce qu'on la voit plus grande? Est-ce qu'on essaie plutôt on espère plutôt s'être maintenu? Je pense qu'on a certaines visées de croissance, pas nécessairement vraiment plus grand. Je trouve qu'on est déjà dans une belle vitesse de croisière. Dernièrement, on a développé plus le volet jeunesse dans les deux dernières années. Ça va continuer de se développer. Puis comme j'expliquais tout à l'heure, il y a le développement international, c'est-à-dire que de bien représenter, bien faire connaître nos auteurs et nos livres dans d'autres pays. Je peux nommer l'exemple de Jane Lerner et moi, là, qui remporte beaucoup, beaucoup de prix cet automne. Mais le livre, on a appris aujourd'hui, d'ailleurs, que... Au New York Times. Oui, il y a ça, mais on a appris aujourd'hui que Fanny Isabelle allait être invitée d'honneur d'une foire du livre en Allemagne pour le lancement du livre en mars. Donc, l'invité d'honneur l'année passée, c'était Chris Ware. Donc, cette année, ça va être Fanny Britt et Isabelle Arsenault pour Jane Lerner et moi. J'avoue que c'est assez gratifiant, en fait, de se voir en filiation un peu en termes d'invitation comme ça. Tout à fait. Donc, nous, c'est vraiment, ça fait partie de ce qu'on voit dans les prochaines années pour que c'est une chose de trouver un auteur, de l'accompagner, de faire un beau livre ou de faire le meilleur livre possible ici. Mais c'est après de. Que ce livre-là puisse avoir une vie dans d'autres langues, c'est tout à fait extraordinaire ce qui est en train de se passer pour certains de ces livres-là. Et donc, le sillon est en train de se tracer pour que ça soit plus facile dans les prochaines années. Et voilà, je dirais que nous, on est déjà en train de... l'expo commence la semaine prochaine. C'était une année incroyable pour se rendre à ça. Je pense qu'on va continuer de faire des bons livres dans les prochaines années, puis on verra après pour les autres projets plus spéciaux, si on veut. Bien, Frédéric, on vous souhaite un bon 15e anniversaire. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Voilà, c'était Frédéric Gauthier, donc éditeur, cofondateur des éditions La Pastèque, autour, évidemment, vous l'aurez compris, des activités de leur 15e anniversaire. On prend une courte pause, on revient tout de suite après. Au retour, on parle de Bulles, également les commentaires BD de Marco Duchesne, et plus, ici à La Vie en BD. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 25 novembre, 20h, au Cercle. Bleu contre rouge, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Lorsque l'été est terminé, qu'il emmène avec lui la lime framboise, tous les palmiers, tous les bananiers. Ça signifie que l'automne est arrivé. Et avec lui, la bonne cuivrée au thé. Yeah! Arrête ça! Cuivrée au thé! Hey! Cuivrée au thé! Eh oui, c'est la barbouille. Ouais, disponible dès cet automne. Le Cercle fête ses 6 ans le 8 novembre prochain. Dès 18h, vivez l'expérience du Cercle avec les créations de plus d'une trentaine d'artistes et collaborateurs. Sentez-vous transporté par un amalgame de projections, danse, d'installations sonores et par les spectacles de Rich au coin, à la claire ensemble et de plusieurs DJ. Toutes les infos et concours pour gagner un laissez-passer sur 6ans.ca. La peinture en direct 2013 fait un retour au Bal du Lézard. Trois artistes en art visuel, dont Jean Gagné, Jean Lapointe et Daniel Lassalle, créeront sur place des œuvres picturales originales. Tout ça sur la musique inspirante de Frenchie de Décibel Franco. Les œuvres seront mises à l'encan silencieux, échelonnées sur deux semaines. Elles seront exposées au Bal du Lézard une semaine et l'organisme Pêche la semaine suivante. Jeudi le 7 novembre dès 21h, voyez la peinture en direct et dansez sous la musique de Frenchie au Bal du Lézard, 1049 3e avenue, baldulezard.com. Tout juste avant 100% dynamite, le week-end s'amorce de belle façon dès 18h30 les vendredis avec Jean-Sébastien Grondin et son émission Soul Finger. Ça groove à CKRL 89.1. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Vous écoutez La Vie en BD sur CKRL 89.1 en vous rappelant que vous pouvez écouter les émissions en balado-diffusion via le blog lavieenbd.wordpress.com et également suivre mes chroniques, mes réflexions du moment sur voir.ca/Raymond-Poirier. Et maintenant, on porte un regard sur un album qui est arrivé sur les tablettes de certains libraires il y a de ça quelques semaines. Deuxième tome d'une série qui s'appelle Bulle, donc une saga en fait, même oserais-je dire, parce qu'on parle quand même de beaucoup d'albums qui sont en projet. Et pour nous parler de ce deuxième tome, on est en compagnie des scénaristes et de la dessinatrice, alors Damien Berger, Jean-Philippe Bergeron, Marie-Lamonde Simard. Bonjour à vous trois. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Et peut-être, dans le fond, si on se lance d'emblée sur le deuxième tome, je l'ai trouvé vraiment très, très centré, très dirigé. On est dans l'histoire d'une famille, la famille Berger, et dans des circonstances, dans son histoire et dans des éléments qui entourent, dans le fond, le déclin, entre guillemets, de cette famille-là, d'un point de vue lien familial, intrinsèque. Oui, on se penche clairement sur le destin de la famille Berger, donc qui vont être importants dans le récit des 13 tomes. On avait, dans le premier tome, centré un peu plus notre attention sur Sophie, puis là, ben, c'était sur la famille Berger. En fait, c'est important d'une certaine manière, justement, toujours, parce qu'on est en train d'établir un univers qui va se développer sur beaucoup de tomes, donc faut se donner le temps de bien cadrer les personnages, d'où ils viennent, pour comprendre où ils s'en vont. Mm-hmm. Ben, ouais, c'est ça, on veut ancrer cet univers fantastique-là, cet univers d'anticipation, parce qu'on est dans un futur, on le rappelle, en 2024, un futur approché, mais on veut ancrer ce fantastique-là dans la réalité, fait que le premier tome, on était vraiment dans l'univers de Sophie, le deuxième, dans l'univers de la famille Berger, dans le troisième, on va être avec Vincent, un personnage qu'on décrivera dans le troisième tome. Donc, on veut vraiment s'ancrer là, chez les personnages, puis dans leur réalité. Oui, avant, dans le fond, de tomber dans la tragédie qu'on voit poindre à la fin, voilà, de chacun, ouais, des albums. En fait. Exactement. Donc, d'une certaine façon, est-ce que c'est un peu un défi, dans le fond, de réussir à concentrer l'histoire, à bien canter un personnage dans un album, sachant aussi qu'il faut préparer des pistes, qu'il faut le préparer pour ce qui s'en vient aussi. Donc, il y a toujours une double dimension dans l'écriture. Bon, en fait, ça va plutôt bien parce que on a déjà écrit jusqu'au 13e, donc on sait qu'est-ce qu'il faut révéler dans le deuxième tome, qu'est-ce qu'il faut révéler dans le quatrième, dans le sixième. Tout est déjà planifié jusqu'au 13e. Il y a des choses qui peuvent se rajouter. Des fois, on fait des liens, on peaufine des tomes qui arrivent. Donc là, on va rajouter des pistes. Comme là, dans le troisième, on a rajouté quelques petites choses finalement qui vont être beaucoup plus efficaces pour le futur. Mais en gros, la trame est déjà toute écrite. Donc ça se fait plutôt bien. Non, puis c'est ça. Puis des fois aussi, quand l'illustrateur ou l'illustratrice entre dans le décor, ben, il y a des petits détails qui peuvent changer aussi. Hein. Ah oui, on s'inspire des dessins. On a fait plein d'écritures, là, Damien et moi, du scénario. Ensuite, Marie l'a lu. Puis quand Marie dessine, ou notre nouvel illustrateur, parce qu'on a un nouvel illustrateur dans l'équipe, Guillaume Demers, ben, quand il illustre, après, nous, on s'inspire de leurs dessins pour ajouter un peu de texte. Mm-hmm, des fois, ça nous inspire beaucoup. Oui, puis en même temps, c'est important que quand on se lance sur un projet qui est quand même de longue haleine, ben, d'être capable aussi de s'adapter, de faire des modifications dans le passage, en fait, d'un médium, du médium papier, du médium télé aussi, pour lequel il avait été pensé au départ, vers le médium BD. Voilà. Oui, il a fallu faire beaucoup, en tout cas, il a fallu faire des changements, oui, surtout au niveau du premier tome, là. Ensuite, on s'est adapté. Oui, parce que le premier tome, on en avait parlé, c'était très cinématographique quand même comme traitement, il y avait très peu de paroles, ça se lisait quand même assez vite pour ceux qui sont habitués de lire les textes. En tout cas, ça se lisait assez vite quand même. Ouais, les mots étaient dans les images, en fait. Ouais, les mots, ouais. C'est ça. Une image vaut mille mots. Ça. Alors, dans le deuxième tome, on a amélioré le côté bande dessinée, où on a travaillé beaucoup plus les dialogues, tout en gardant un petit peu le côté cinématographique dans quelques scènes pour quand même poser le tout. Mais ça, on sait. De toute façon, en plus, c'est un peu plus simple, hein, parce qu'on est dans une famille, donc c'est plus verbomoteur un peu. Il y a des conflits, il y a des situations qu'il faut régler, ou en tout cas, en fait, ne sont pas trop réglées, les situations, là, mais il y a des choses qui se passent, donc il y a des choses qui se disent, ça parle à travers sa pensée, donc c'est aussi plus facile. Dans le premier tome, Sophie, elle médite, puis elle se remémore des événements importants de sa vie, donc on était plus dans l'introspectif, mais c'est très important quand même pour notre série, tout ce côté-là, genre négocier avec les souffrances, méditation. Ben, c'est ça, puis c'est représentatif des personnages aussi. Hein? Voilà. C'est ça. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant quand même, justement, qu'on change comme ça de ton d'un album à l'autre, que la série soit pas monolithique dans sa manière d'approcher ou de présenter ses personnages, de présenter son univers. Et ici, dans le fond, on est avec la famille, on la suit sur une certaine période. On sent qu'il y a quelque chose aussi qui se passe. Il y a quand même toujours un mystère, un côté thriller presque, qui se dégage un peu de cette histoire familiale-là, un côté malsain qui se dégage de ça. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez dirigé aussi, une ligne droite au fil du tome là-dedans. Ben, cette famille-là est très impliquée dans le drame. Hein. Faut savoir que Ghislain Berger a été le président du laboratoire Regeneris, hein, une des compagnies phares de la grande corporation Bull. Donc, puis bon, c'est ça, il se passe des choses dans la famille, puis il a beaucoup étudié, donc il est bardé de diplômes, puis il s'est donné dans son travail, c'est un workaholic, là, il s'est donné dans son travail bien avant de se donner dans sa famille. Ces deux garçons, en fait, la relation qu'il y a avec ces deux garçons s'en est beaucoup ressentie, donc c'est ça, là, c'est le drame, là. C'est... Ouais. Et tout ça dans le décor, enfin, on en avait parlé aussi autour du premier tome, ça reste présent aussi dans le deuxième. En fait, on reste à Québec pour l'univers continue de s'établir autour de la capitale. Et ici, mais on découvre aussi différents lieux. On va jusqu'à Baie-Saint-Paul, il y a Lévis, il y a le Vieux-Québec. Donc, on se promène un peu là-dedans. Au niveau dessin, au niveau travail, est-ce qu'il y a une certaine recherche aussi pour s'assurer qu'on présente ça? Ah, moi, je me suis rappelé de ça, puis j'ai dessiné ça de même. Non. Là, il y a toujours beaucoup de repérages, puis merci Internet aussi, là, pour des images, pour des lieux qui sont pas nécessairement à côté et proches, là. Mais c'est ça, beaucoup de repérages, tourner en auto, faire de la photo, c'est quand même bien fun à faire, ça aussi. Là, ah oui, on part tous les trois, on va à Baie-Saint-Paul, on prend le traversier, on va à Lévis. Vous étiez allé, hein, sur le château Saint-Louis. Oui, ça, c'était le fun, aller, c'est ça, sur le toit du château Saint-Louis. Là. C'est comme un scoop, là. Je veux dire, on voit un personnage, là, mais dans le troisième tome, là, ça va tourner autour de Vincent. Ouais. Puis il y habite au château Saint-Louis, fait qu'ils sont allés visiter. C'est ça, ouais. C'est pour bien ancrer l'histoire dans la réalité physique de Québec, alors que tout ce qui est intérieur, par contre, là, c'est de l'imaginaire. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Et tout ça, en fait, va décoller. Je pense que j'ai vu dans une entrevue qu'à un moment donné, vous allez aller vers Montréal, que ça va s'internationaliser progressivement aussi, au rythme de la tragédie qui va s'internationaliser aussi, on l'imagine. Ben c'est ça. Petit peu par petit peu, là, on donne des cues, là, si je puis dire, de ce qui se passe un peu à l'international. En fait, des ramifications. Mais nous, c'est ça, ce qu'on voulait là, dans les récits de épidémiologique, là, je dirais, qu'on avait vu et lu, Damien et moi, ben ça nous manquait toujours. Bon, tu sais, il est question d'un récit de zombies, là, fait que on se le cachera plus. Disons les choses comme elles sont. Non. Ça s'appelle quand même la grippe Z. C'est plus nécessaire de cacher. Mais donc, voilà. Puis habituellement, dans les films de zombies, ben c'est rare qu'on voit, hein, je pense qu'on avait parlé l'année passée, c'est le personnage se réveille, pour pas nommer la série référence là ici, mais le personnage se réveille, puis tout le monde est déjà transformé en zombie, puis on sait pas ce qui s'est passé. Ou on voit rarement le côté épidémiologique. Il y a eu World War Z. Le livre, pas le film, là, mais sinon, le livre, World War Z, c'est encore un ramassé de témoignages. Très bon, là, je dis ramassé, mais je veux dire, c'est des témoignages. Puis ça, en fait, c'est post-apocalyptique. Hein, l'apocalypse a eu lieu. Donc, nous, on montre comment réellement, on va voir les ramifications, comment ça se peut, genre, que ça puisse aller partout dans le monde comme ça, aussi rapidement, puis que les autorités puissent pas prévenir le coup ou qu'ils essaient du mieux qu'ils peuvent, mais qu'ils puissent pas. Puis comment moi, toi, nous, on réagisse à ça, parce que moi, je suis pas un ninja, là, ou j'ai pas... Non, c'est ça. T'as pas de pouvoirs spéciaux, malheureusement. Là. J'ai pas encore mon kit de survie en cas d'attaque de zombies. Et tout ça dans un contexte de BD où justement, la BD en permet beaucoup. Je veux dire, tous les décors que que vous voulez avoir, vous pouvez les avoir pour à peu près le même budget. Donc, ça permet quand même aussi d'aller chercher une richesse déjà en termes de lieu. On le voit d'album avec les deux premiers, même si on reste à Québec. Et après ça, quand on va exploser un peu partout, Il va falloir prendre l'avion. Puis, hein? Ça, c'est des beaux voyages qu'on devra faire. C'est du plat. San Diego, Lyon. Mais oui, non, mais c'est ça. Ben, on s'amuse, hein, évidemment. Et tout ça dans une perspective aussi. Ce qui est intéressant, je pense que c'est bon de revenir là-dessus, c'est l'idée de voir notre ville, mais dans un contexte d'une série fantastique, dans un contexte à travers lequel on n'est pas nécessairement habitué de la voir. T'sais, dans le fond, cette carte postale-là, ou des éléments qu'on verrait, c'est comme la fête de la Saint-Jean dans un film promotionnel de Québec, et finalement, on le voit, il y a ce côté joyeux-là, mais il y a comme toujours l'épée de Damoclès du drame que nous, lecteurs, savons qui est en train de se passer. Donc, j'ai l'impression que ça force une autre vision un peu, ou une autre ambiance par rapport à Québec, par rapport à la ville. Mais il faut croire qu'on a des ambitions qui peuvent ressembler à certaines personnes, en tout cas dans le mouvement politique peut-être de la ville, mais donc oui, on veut apporter une autre vision. On est nous, on l'habite la ville, hein, puis ouais. on la voit sous toutes ses facettes, donc pas seulement du côté de la capitale touristique, on y habite. Donc on voulait montrer tous ces côtés-là que Québec peut revêtir. Et le travail à trois, après donc le premier, déjà deux albums, vous travaillez sur le troisième. J'imagine que la dynamique avec le nouveau dessinateur aussi, là, ça va accélérer les choses aussi, parce que là, on aimerait ça sortir deux tomes par année. Donc, moi, quand j'étais seule, faire ça, ben c'était un peu impossible. Il me regardait avec un gros sourire. Mais, fait que là, on a passé des entrevues. Tu viens de passer, d'ailleurs, une réunion avec notre nouvelle illustrateur. Oui, je reviens, c'est ça, d'une réunion avec Guillaume. Puis, non, ça va bien. Ça se passe très bien. On dirait qu'il a toujours travaillé. C'est ça, c'est un peu fou. C'est ça. C'est comme si on le connaissait depuis toujours. Puis, on pouvait pas tomber sur une meilleure personne que ça, je pense. Et tout ça dans le contexte aussi d'une série, je pense que c'est... Souvent dans les séries auto-éditées, on a des plus petites attentes côté qualité édition. Ici, c'est cartonné, c'est du beau papier. Encore là, j'en reviens pas à chaque fois que je tombe sur ces volumes-là, à quel point vous avez été quand même assez élevé côté qualité du produit fini, en fait. Je veux dire, le look de l'album... cartonné, etc. C'était puis peut-être que ça fait un peu, il y a peut-être un petit côté vieux jeu, hein. Je veux dire le carton, tu sais, on est beaucoup aux couvertures souples, puis c'est ça qu'on voulait. En fait, on voulait donner ce cadre là à l'univers, là, puis ça représente bien d'avoir quelque chose de pro, j'ai l'impression, peut-être aussi de pas quand même un peu. Oui. De chic aussi. De chic, quelque chose qui dure dans le temps. Ouais, c'est ça, quelque chose qui dure plus dans le temps ou qui est plus... C'est sûr qu'on voulait pas aller dans le comic book américain, puis ça se rapprochait, notre histoire pouvait plus se rapprocher, hein, les séries dans le comic book, parce que c'est des petits fascicules. Moi, je suis pas habitué de lire ça, puis je trouve ça fragile, puis j'ai pas tendance à mettre ça dans mes petites pochettes en plastique, fait qu'ils finissent toujours par... S'abîmer, ouais, voilà. Donc, c'est peut-être pour prévenir les impotents de mon genre. Et dans le fond, le deuxième tome, on le dit, est disponible depuis déjà quelques semaines. Vous l'avez dit, on espère peut-être en avoir deux l'année prochaine. On attend évidemment la suite. Ah, ben, c'est pas on espère, ça va se faire. Troisième tome en avril 2014. Pour le festival. Ben, exact. C'est ça. Et si on va avoir un peu plus d'informations, ben, sagabulle.com. Vous êtes également sur Facebook, Bulle BD. Et là-dessus, on trouve aussi la liste des librairies qui offrent le volume. Ouais. Alors, ben, voilà. Damien Berger, Jean-Philippe Bergeron, Marie-Lamande Simard, merci à vous trois. Merci vraiment. Merci beaucoup, Raymond. Merci beaucoup. Plaisir. Oui. Et nous, on repart en musique. Toujours petit extrait musical de Always 8-bit en cette émission. We'll be right back. Et voilà donc, extrait de Always 8-Bit tiré de l'album Spectrogram. On a écouté la pièce Sand Blaster. Et maintenant, on a le plaisir de retrouver nos collaborateurs. Marco Duchesne, bonjour. Hey, salut Raymond. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va. Hey, t'as repeinturé ou? Non, mais en fait, c'est CKRL a repeinturé un peu les studios. Ah, c'est, oui, c'est okay. Mathieu Place qui a fait le travail d'ailleurs. Wow. Collaborateur aussi ici à l'émission. Donc, comme quoi, on c'est graphique. Le fun chez vous. Oui. Je m'étais ennuyé. Moi aussi. Ah oui? On a eu un gros début de saison, on est content, on réintègre progressivement nos commentateurs BD parce que. Ouais, là, je pensais que tu m'avais oublié, là, j'étais tout seul chez moi et je me disais, bon, ça y est, Raymond m'a oublié. Et même non. Pas quand je parle de BD. Et non, bien au contraire. Et en plus, Marco, on a deux titres et potentiellement un troisième là, à explorer pour ce ben, retour tu en onde. Me connais, hein? Moi, je viens de parler des nouveautés, j'essaye de coller à ce qui sort le plus vite. Et. Bon, on s'est pas vu depuis la rentrée, alors j'ai décidé de te parler de titres qui m'ont impressionné beaucoup les dernières semaines. T'avais le goût, je commence par... Ben, allons-y peut-être avec Saveur Coco. J'étais vraiment intrigué. Écoute, Saveur Coco, là, c'est vraiment personnel. Tu sais, d'habitude, hein, j'essaie d'être grand public, j'essaie de parler de choses que tout le monde aime, mais là, égoïstement, j'étais assis chez moi et j'ai dit, non, celui-là, il est à moi, il est qu'à moi. Alors, je vais en parler. Saveur Coco, c'est un Renaud Dilly. Renaud Dilly nous avait donné une espèce de mini-série de deux tomes qui s'appelait Abélard, une histoire de canard sympathique. Son dessin est très joli, très mignon, très livre pour enfants. Mais là, il nous sert un album chez Dargo qui s'appelle Saveur Coco et qui est un hommage au plus grand des BDistes américains, George Herriman. George Herriman, dans les années 20, a créé une bande dessinée qui s'appelle Ignace et Crazy Cat, tout en finesse, tout en poésie. C'était un grand poète de la BD. Renaud Dilly, avec Saveur Coco, eh ben, c'est ce qu'il fait. Il rend hommage à George Herriman, tout en poésie, en finesse, en ligne épurée. Coco, Saveur Coco, ça raconte l'histoire de deux personnages, un chat, peut-être un renard, okay, qui s'appelle Polka, et une cigogne qui s'appelle Giri. Giri et Polka sont dans le désert et cherchent un point d'eau. La ligne est épurée, c'est un désert, souvent on n'y voit que les deux personnages qui philosophent, qui échangent des... Pour te dire la teneur du propos, à un moment donné, Polka demande à Giri, il dit « Quand est-ce qu'on a commencé à avoir des insomnies? » Et Giri lui répond « Quand les dodos ont disparu. » Tout simplement. On est un peu dans... En fait, de cette réplique-là, j'aurais tendance à dire c'est presque Beckett, un peu voilà, dans la structure. Et c'est là, comme ça, poétique et tout. Et là, on cherche des... Et quand c'est très épuré, quand Giri décide de faire... À un moment donné, il voit un poisson, les deux voient un poisson, il veut ramener le poisson, alors Giri sort sa guitare. Sa guitare est un espèce de long fil. Bref, tout ça est en poésie et c'est très et beaucoup plus accessible que ce qu'avait fait George Herriman pour Crazy Cat et tout. Okay. Et c'est en couleur, c'est très joli. Si la ligne est épurée des personnages, si les décors sont épurés, les fioritures autour des cases, il joue beaucoup avec la narration, avec... Il la rend théâtrale, il la décore. C'est un vraiment... Peu. En fait, quand tu me parles de fioritures autour des cases, je pense au Habibi de Thompson, où vraiment voilà, chaque planche est une œuvre d'art. Si même sans dessin, là, dans les cases, c'est superbe. Et les couleurs sont magnifiques. Mmh. Alors, je vous conseille fortement, pour les amateurs de belles choses, de jolies choses. J'aime beaucoup le mot « joli », mais l'appliquer à n'importe quoi, ça se fait pas. Mais dans ce cas-ci, le mot « joli » s'applique. Tu l'as pesé. Poésie s'applique. Ah oui, écoute, c'est mon album de chevet ces temps-ci. Alors ça, c'est « Saveur Coco » de Renaud Dilly. Et maintenant, tu nous parles, Marco, d'une histoire d'homme. Ben oui. Là, Zep... Tout le monde connaît Zep parce que c'est le créateur de Titeuf. Mais Zep n'a fait que ça, Titeuf, pendant des années, rendu au 10-12e album à peu près. Zep, je pense que là, voulait nous montrer qu'il pouvait s'adresser à un public adulte. Mmh, parce qu'on l'a effectivement juste vu dans le jeunesse. Voilà. Alors, il a décidé de nous faire une histoire d'homme. D'ailleurs, avec le titre, on sent que là, il nous envoie un message. Et il nous fait son coming out d'auteur adulte et sans passer par le syndrome Miley Cyrus. OK, donc il n'y a pas de nudité. Il s'est pas mis tout nu, non. Et non, il nous a fait ça très réglo. Il nous a fait cet album-là qui s'appelle et une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Rue des Suaves ou Rue des Sèves. Mm-hmm. Alors, une histoire d'homme, c'est quatre copains qui se sont pas vus pendant 15 ans se réunissent à Londres un week-end. Quatre copains qui se sont pas vus pendant 15 ans parce que il y a 15 ans, on apprend que ces quatre copains-là avaient formé un groupe de rock et que à 30 secondes près, ils ont failli être le groupe le plus extraordinaire de la planète, le plus connu, le plus celui avec le plus de succès. Mais ça s'est pas fait. Et l'un d'eux est devenu une méga star du rock en solo. Et c'est lui qui invite ses trois copains. Il est à Londres, les trois copains sont en France. Les trois copains débarquent chez lui un week-end et là, en flashback, chacun se raconte qu'est-ce qu'il est devenu. Qu'est-ce que sa vie est? Et surtout, tu vois venir, là, hein? Je te vois sourire. Le secret qui pèse au milieu du groupe. Et on finit par l'apprendre, évidemment. Donc, un beau suspense qui est amené un peu au Alors, fil d'histoire. L'histoire est un peu, l'histoire est un peu à la limite banale. C'est du déjà vu, c'est certain. Quatre gars se rencontrent, le groupe de rock, tout. Mais ce que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, c'est Zep. Quand il veut essayer de nous faire une histoire pour adultes, une histoire qu'on peut lire comme un roman, comme il réussit. Il est d'un beau réalisme et il traite l'histoire, la narration, le découpage et ce qu'il y a de plus straight, de plus conventionnel, c'est ses couleurs. Souvent, les couleurs sont monochromes d'une certaine teinte, bleue. Pour les flashbacks, rouge pour l'actualité. Et il mélange ces couleurs-là, chaque page a une couleur particulière et ça finit par fonctionner. Okay. Au début, ça désarçonne un peu, mais à la longue, on s'habitue. Oui, au début, on cherche, mais si on se laisse aller, on se laisse aller et chaque page amène son sentiment, son émotion qu'il faut. Pour l'histoire qui nous est racontée. Et j'imagine que pour Zep, il devait y avoir quand même une bonne pression, comme ça, à se dire, OK, là, faut que je fasse le saut, faut que je prouve que je suis pas limité. C'est drôle que tu dises ça, parce que moi, ce qu'on me dit, quand la représentante est débarquée, elle me l'a présenté, elle dit, en France, ils misent beaucoup dessus. Alors, tu vois, le truc, là, c'est qu'on a mis beaucoup sur ce titre-là, parce qu'on veut vraiment que Zep pense... Parce que c'est déjà un nom, en fait, aussi. Comment? C'est déjà un nom, et j'imagine, pour ces lecteurs actuels vont vieillir. Non seulement c'est un nom, mais il nous prouve deux choses. C'est qu'il est capable de raconter des trucs pour adultes, mais aussi, c'est quelqu'un qui connaît son sujet. Il n'a pas écrit l'histoire de quatre gars comme ça. Il a écrit l'histoire de quatre gars qui ont formé un groupe rock, et Zep connaît son rock. D'ailleurs, son surnom vient de Led Zeppelin. Il a choisi ce nom-là à cause de ça. Donc il ne s'est pas laissé au hasard. Comme. Non, écoute. Et on s'y retrouve. Si on connaît un peu la musique, on s'y retrouve au niveau des références. Parce que celui qui est devenu une rockstar ne joue pas sur n'importe quelle guitare. Mm-hmm. Il joue sur une guitare, une guitare que sur laquelle a joué Eric Clapton. Et il nous parle de musiciens comme ça. Il y a ses références. Mais tout ça très accessible. Vraiment, une belle réussite. Ça s'appelle Une histoire d'homme. C'est de Zep et c'est chez Rue des Sèves. Et il nous reste un petit 3 minutes, peut-être un petit clin d'œil à cet album qui a été très, très promu du côté de la France. Je pense 2 millions d'exemplaires imprimés, 5 millions à travers le monde, 15 pays, 23 langues, lancement en même temps, Astérix chez les Pics. Ben, c'est le lancement événement de l'automne. Ben oui, c'est un événement à chaque fois qu'il y en a un. Moi, j'avais le goût d'en parler parce que je vais t'avouer une chose. Je vais faire mon coming out ici. À la mort de René Goscinny, moi, j'ai lu aucun Uderzo tout seul. T'as pas manqué grand-chose. Ben, il y en a eu des bons, mais j'ai pas manqué des... grand-chose. C'était pas seulement... tu sais, le grand fossé, on sait que l'album était entamé. Et ça se sent. Mais après, je veux dire, pour moi, Astérix était mort là. Mais il y, y en a eu des, il y en a eu des pas si pires. Oui. C'est le fils, l'autre. Je suis d'accord, mais après je suis d'accord ça... qu'il y en a eu des pas si pires, Raymond, oui. Mais entre toi puis moi, le dernier, c'était du suicide. C'était triste. C'est du suicide de création. Tu sais, Uderzo s'est suicidé là, là. Mais en fait, c'est le genre de bouquin que tu lis puis tu es mal à l'aise, voilà, en lisant. Et c'était tellement pénible et tellement triste de voir un truc comme ça que quand j'ai su que Uderzo passait le flambeau à une équipe, dont Ferry, Ferry que j'adore, qui est capable de la subtilité et capable de raconter des trucs drôles, et Conrad qui est capable de rendre un dessin, le dessin d'Uderzo, aussi Astérix que Astérix, je me suis dit, tiens, je vais l'essayer celui-là. Et j'ai pas été déçu. Moi, j'ai trouvé que c'est un bel hommage. Je vais te dire que quand Ferry n'essaye pas d'être Goscinny, il réussit. Il nous a donné l'ambiance qu'il y avait le village, il nous a donné l'ambiance, la relation qu'avaient les Gaulois entre eux. Il a réussi quelques clins d'œil fort sympathiques, les Pictes, ces Écossais, avec les filles amoureuses de l'Écossais, avec les jeux de mots avec Pictes, pictogrammes et tout. Ça réussit. C'est un tantinet enfantin avec le monstre du Loch Ness, mais somme toute, dans l'ensemble, moi je crois que c'est l'équipe de l'avenir pour Astérix, et que je vous le conseille fort. Si vous avez été déçu par le dernier, n'hésitez pas, lisez celui-là. Je pense qu'on nous remet en selle et qu'on est prêt pour un bon bout de millage avec la nouvelle équipe d'Astérix. Ça, sachant qu'en fait, pour les nouveaux Spirou, pour les nouveaux Lucky Luke, ça a pris un certain temps avant que la série s'installe. Les derniers, je les ai trouvés très bien. Alors, avec Astérix, on a une base intéressante. Je suis curieux de voir s'ils vont réussir à le rendre aussi actuel. C'est ça, mais avec, Spirou, on est habitué au changement d'équipe. Est habitué. Tandis que là, pour Astérix, c'est nouveau. Et je crois que faut le laisser la chance. Marco Duchesne, merci. Plaisir. On se dit à bientôt. Ah, j'espère. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, entre autres, Thomas-Louis Côté de retour de Quai des Bulles, et également on discute avec Maryse Dubuc du nouveau tome des Nombris. C'était Raymond Poirier au micro, c'était un plaisir d'être avec vous pour cette édition de La Vie en BD.